L'Éternel Dieu, après avoir tout créé, prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultivât et le gardât. Travailler est donc un devoir sacré, une obligation divine. Plan de Dieu pour sa vie est un homme béni. Ce par quoi t'as la liberté, ce par quoi tu seras béni, car la main ne peut plus tomber, c'est par ton travail que Dieu va te bénir. Rester sans rien faire va t'asservir. Est esclave de celui qui donne. Ntango bazo kabela yo, okomi mulungu ya moto azo kabela yo. Nzambe akopambola yo, nde na mosala ozo sala. Soko sali te, kolia pete. Nzambe akisi, ndakisali boso, asala ki mosala mikolo motoba. Deko yo nanga, tomi pesa ya solo. Ton travail, ton pays va se développer.